J'aurais pu être un grand DJ à Ibiza, avoir des chaînes en or, faire des millions, des milliards, faire partie des gens de côté, ne manger que du caviar. Mais pour l'instant, je suis choqué, je crois que je suis resté bloqué. J'essaie de militer pour garder l'humilité, même si je fais des concerts et des télés par milliers. Les gens me disent, Biggie, n'oublie pas la vérité. Si c'est la vie que t'aimes, ne dure pas l'éternité. Pourtant, j'ai pas la vie de palace, j'en ai pas à l'aspect. Ouais, faut que tu le saches. Après mon zénith, j'ai dormi dans mon lit, une place. Avec les pieds qui dépassent, c'est vrai que je me balade d'une vie à l'autre. Je passe du caviar au Mikado. Je fais des restos chics avec le gratin et le lendemain, je suis au McDo. Les gens s'imaginent qu'après mes concerts dans ma chambre, y'a des filles coquines. En vérité, je suis au téléphone et je m'engueule avec ma petite copine. Rebalance le beat, y'a ça qui me calme. J'ai toujours pas le numéro de Kim Car. Mon petit dans la vie, mieux vaut être un ministre inconnu qu'une petite star. Je traîne avec des mecs qui ont des Oscars. Des beaux gosses qui ont la coach, je fais des cocktails des soirées. Mais je préfère y être avec mes potes. Quand je suis avec eux, je me sens bien, rien n'a changé, c'est toujours pareil. Je me suis déjà fait refouler deux boîtes dans lesquelles j'avais rappé la veille. Arrête de faire la victime. Bon, c'est vrai, j'ai acheté un appart. T'as dû te faire plein de fric. J'ai plus d'argent que j'en rêvais d'avoir. Mais y'a pas de VIP aux toilettes, à la pompe d'essence ou au supermarché. D'ailleurs, y'a pas longtemps, j'ai croisé un civilité que je connaissais. Il m'a dit, ça cartonne grave, j'ai vu. J'ai dit, et toi, comment ça va? Il s'est arrêté et m'a répondu, au moins tu sais, la vie normale. J'aurais pu être un grand DJ à Ibiza, avoir des chaînes en or, faire des millions, des milliards, faire partie des gens cotés, ne manger que du caviar. Mais pour l'instant, je suis choqué, je crois que je suis resté bloqué dans la vie normale. La vie normale. La vie normale. La vie normale. La vie normale. C'est vous, entrez dans la vie normale, je te jure, c'est nous, c'est vous. T'assure, je sais, mais j'y arrive pas. Quand tu fais la star, tu sais, les gens parlent. Loin de ces fêtes infréquentables. Quand je prépare le sirop de grenadine au champagne, j'ai les cuits entre les chaises et les pieds sur la table. J'essaye de trouver ma place. Jusqu'au jour où ma vie de rêve s'effacera et mettra tous mes textes à la carte. Je les retiens, rêvé d'enfiler. Mes vestes en velours et défilés. Je reste un gars du fond de la cour. Je pourrais jamais être un mec stylé. Et je fais des albums pour faire des concerts. Et je fais des concerts pour sortir de ma chambre. Et je sors de ma chambre, sinon je rate ma chance. Et puis j'attends, je donne de janvier à décembre. Et pareil que la grosse tête s'attrape. De ta ville et de tes photos. Quand on m'arrête, je suis plus content que le mec qui m'a demandé une photo. Et tu sais, depuis gamin je rêve de faire des concerts et de la vie d'artiste. Mais même quand j'ai rempli des pages, j'ai l'impression de faire une première partie. Vous vous en doutez, je suis un mec bien. Pas besoin d'en faire trop, vous le savez, je suis un gars sain. Et j'aime écrire dans le métro, je voulais prouver, je suis un mec sain. À qui tu peux parler comme avant, mais je vous laisse. Y'a mon chauffeur qui attend. J'aurais pu être un grand DJ à Ibiza, avoir des chaînes en or, faire des millions, des milliards, faire partie des gens cotés, ne manger que du caviar. Mais pour l'instant, je suis choqué, je crois que je suis resté bloqué dans la vie normale. La vie normale. La vie normale. La vie normale. La vie normale. Quand tout s'arrête, gros faut du courage. Trop on fait les beaux quand je demandais un autographe. Moi je leur ai dit pas grave, mais quand la vraie vie t'attrape, seul dans ton lit oublie le bruit des flashs des photographes. Quand tout s'arrête, gros faut du courage. Trop on fait les beaux quand je demandais un autographe. Moi je leur ai dit pas grave, mais quand la vraie vie t'attrape, seul dans ton lit oublie le bruit des flashs des photographes. Ouais, plaisir. Fais gaffe à ton scout. Bon, ça c'est normal. Vous êtes pas entouré de 14, voilà, 14 gardes du corps. Ouais. Prends la selfie, Flo. Enfin, je vais la prendre, t'inquiète. Voilà, yes. Allez, merci mon gars. Bonne chance à toi. Merci, à plus. Bonne année. Ciao, ciao. Je vais prendre le deuxième album.